si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, de petits rien du tout, mais qui en disant langue, en voyant notre mine ravie, les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux une esprit merveilleux qui donnait le frisson. C'est si bon, ces petites sensations ça vaut mieux que millions. C'est tellement, tellement bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Les passants dans la rue. C'est bon, c'est bon. Bras dessus, bras dessus. C'est bon, c'est bon. En chantant des chansons. C'est bon, c'est bon. Quel esprit merveilleux. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Je cherche un millionnaire. C'est bon. Avec des grands bon, bon. Cadillac car, bon, bon. Mink coats, bon, bon. Des bijoux bon. Jusqu'au cou, tu bon, sais. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ces petites sensations. C'est bon, c'est bon. Peut-être c'est quelqu'un bon. Avec un petit yacht, bon, non? Ah, oh, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Vous savez bien que j'attendre quelqu'un qui pourrait m'apporter beaucoup de loot. Ce soir, demain, la semaine prochaine, n'importe quand. C'est bon, si bon. Il sera très crazy, non? Voilà, c'était.